18h30, salle Seita à la Friche Belle de Mai. Et salut. Et donc, c'est Libre Débat qui commence sur Radio Galère 88.4. Et aujourd'hui, il y a eu un petit épisode de Propagande par le fait, où les locaux de Radio Galère ont été auto-réduits, en tout cas réappropriés, par des gens qui viennent présenter une émission sur, en gros, les luttes autonomes dans les années 70, mais qui reviennent un peu historiquement, politiquement, depuis l'après-guerre. Et jusqu'à où, on ne sait pas trop, mais du coup voilà, le but c'est de présenter cette émission. Du coup bonjour. Je sais pas, bonjour. Bonjour. Alors, che casino però ci voleva. Quel bordel, mais c'était nécessaire. Ça c'est le titre, c'est pas sûr encore, mais le titre hypothétique que cette émission va avoir. Et il s'agit de quelque chose qui était écrit sur un mur à Rome pendant les 1977. On ne sait pas où. Et on l'a choisi parce que ça se réfère à ce qui s'est passé, bien évidemment, dans ces moments-là en Italie. Et ce n'est pas ces moments-là qui nous intéressent, comme on vient de dire. Mais ces moments-là, c'est peut-être le moment central où les charges les plus intenses se sont produites de celui qu'on peut appeler comme un fil rouge ou un fil électrique des luttes qui ont démarré tout de suite dans l'après-guerre en Italie et que continue, s'il en vaut, jusqu'à aujourd'hui. Mais che casino però ci voleva, quel bordel, mais c'était nécessaire. Si l'on veut, ça pourrait être aussi un peu le méthode qu'on va adopter pour cette émission. C'est-à-dire que, bien sûr, on va suivre une démarche chronologique parce que ça sert à nous et ça sert à qui va nous écouter pour comprendre, vu que le sujet il est très large dans les temps et dans les thèmes aussi. Mais on veut essayer de ne pas cloisonner chaque thème, ne pas cloisonner chaque lutte, comme par exemple ça peut être de la lutte féministe ou de toutes les autres, de la lutte ouvrière qui se sont développées au cours des années. Et donc voilà, l'idée c'est de essayer de ne pas cloisonner les thèmes et aussi de ne pas que faire de l'histoire, mais aussi écouter de la musique qui revient à ces moments-là, et lire des textes de littérature et des poésies, pour essayer aussi de revivre un peu l'esprit de qui on vivait dans ces moments-là. Voilà. Dans le sens où c'est pas seulement des luttes politiques, mais c'était aussi tout ce qu'on a appelé le mouvement autonome. Et on va revenir ensuite sur ce que autonome ça veut dire, parce que il y a beaucoup de fantasmes qui se créent autour de ça, et en fait personne n'a la même interprétation de ce que le mot autonome veut dire. D'autant plus que autonome, de toute façon, à partir du grec autonomos, ça veut dire sa propre loi. Je sais pas si je vais avoir un accent pourri en grec, hein, vous allez me pardonner, c'est pas très grave. Mais du coup voilà. Disons que ce mouvement, c'était pas un mouvement qui était seulement politique, mais qui était aussi une révolte existentielle. Et donc qui allait au-delà de la simple prise du pouvoir par les ouvriers et l'établissement d'une dictature de prolétariat. Encore que certains groupes ou certaines personnes, ou bref, des gens sympas, si on veut, c'était leur programme. Mais c'était quelque chose qui, dans les années 70, du coup, le mouvement autonome qui se concentre sur 1977 en termes de, comme il a été déjà dit, de plus grande offensive, mais qui s'est allée dans toutes les années 70, puis 80, et qui a ses racines dans les années 50, 60, avec les processus d'autonomisation des luttes vis-à-vis du Parti communiste, qui fait sacrément n'importe quoi et qui, au final, est un bon exemple. Enfin, cette période de l'histoire, c'est un bon exemple pour montrer que le Parti communiste, c'est l'extrême gauche du projet du capital. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire sortir de cette émission aussi, en l'expliquant et avec toute la bonne et la mauvaise foi qu'on veut, parce que de toute façon, c'est notre avis, et ça c'est aussi quelque chose qui va caractériser cette émission, c'est que ça va pas être une émission, comment on dit, objective, pas du tout. Notre but c'est de donner notre avis là-dessus, bon en disant pas n'importe quoi quand même, mais du coup en choisissant les éléments de l'histoire qui nous intéressent, en choisissant autour de quoi nous centrer, en choisissant les sujets, les lectures, et en omettant volontiers les choses qui ne nous intéressent pas là-dedans. Et donc on parlait tout de suite, on parlait de musique, et on peut commencer pour parler d'autonomie des luttes, par une chanson sicilienne, c'est sicilien c'est ça ? Oui. Ok, qui s'appelle Malarazza, et dont les paroles, en gros, parlent justement d'autonomie, si on veut. Oui. Dans le sens où, si tu veux expliquer, vas-y. Oui, non, il faut dire aussi que cette chanson, peut-être, elle n'est pas très connue ici, mais le chanteur, c'est le même que Nel Blu di Pinto di Blu, c'est-à-dire Volareo, que tout le monde connaît, je pense. Et, mais cette chanson-là, elle dit, en gros, le refrain dit « Pourquoi tout est plein ? Pourquoi tout est plein ? Prends les bâtons et sors tes dents. » Voilà, on peut l'écouter. Et donc, c'est parti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa d'inchanna piazza pregava a Cristo un cruci e cinicia. Cristo lume pagioni mi trapazza, mi tratta come un cani per la via. Si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta malarrata. Distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Cristo mi risponde dalla croce, di chi si sospizza di ritovrazza, chi vuole la giustizia si la fazza, nessuno ormai più la fa rapidia, si tu si nuovo e nu. Si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiurato un cruci non saria, se avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiurato un cruci non saria. Lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Et voilà, c'était Domenico Modugno, Malarazza, pour les gens que ça intéresse de savoir les titres des chansons. Alors, on disait, quel bordel, quel casino. En fait, pourquoi ces titres ? Parce qu'au début, ces périodes, en fait, c'était un gros bordel. Mais pas dans mauvais sens, c'est-à-dire que c'est une période... C'est aussi dans le mauvais sens. Bah aussi, aussi. Mais aussi parce que c'était une période de grande expérimentation politique où il y a eu de nouvelles pratiques politiques, de nouvelles actions, et aussi un processus, comme on disait, d'autonomisation par rapport au Parti communiste. Et en fait, alors pourquoi elle prend cette période, pourquoi parler de tout ça? D'un côté, c'est sûr parce que, en général, le mouvement social, le mouvement politique, a un petit peu de problèmes à savoir son histoire, sa mémoire. Et quand on parle des luttes aujourd'hui, c'est rappeler de ce qui s'est passé il y a 20, 30, 40 ans, c'est aussi fondamental. Parce qu'ils ont... Il y a eu des luttes, il y a eu des questions, il y a eu des problèmes, il y a eu de nouvelles pratiques. Et si on se rappelle tout ce qui est passé, on peut mieux affronter les luttes aujourd'hui, on peut mieux se positionner dans ce qui se passe aujourd'hui. Et arriver à répondre à certaines questions que peut-être déjà autres personnes se sont posées, ou voire même la réflexion qu'il y a eu, en fait, et comprendre quelles pratiques adopter et comment les pouvoirs peuvent agir. Et... Dans ce sens, on parlait du Parti communiste, peut-être c'est intéressant de lire un morceau de livre qui s'appelle H de guerre. Et je ne sais pas, je crois qu'il n'existe pas une traduction en français du livre encore. Non, mais je ne crois pas non plus. Ouais. Mais bon, en fait, il parle un peu du rôle du Parti communiste après les 68. Il dit « Les partis communistes après les 68 n'étaient plus capables de communiquer avec les mouvements. » Parce qu'il prétendait qu'en Italie, après 30 ans de régime de la démocratie chrétienne, il n'y avait pas de raison pour occuper les écoles, s'affronter avec le CRS. Oui, en tant que syndicaliste, moi j'ai regretté le fait que les autonomes avaient chassé l'âme de l'université de Rome. Mais bref, si l'étudiant serait allé dans une usine occupée pour dire aux ouvriers de laisser les maîtres travailler, ne serait-il alors pas pris des coups de pied au cul? Pourquoi les secrétaires de la CGIL, qui en fait c'est la CGT italienne, était allé demander aux étudiantes d'arrêter l'occupation. Ça, c'était le travail du préfet du commissariat. Ça, c'était du boulot pour les flics, pas pour les camarades. Et du coup, c'est intéressant comme citation, parce que ça revient sur plein de choses qui s'inscrivent dans ces années-là, qui sont les occupations d'usines, qui sont les combats de rue, qui est l'autodéfense populaire dans les quartiers, les occupations de maisons, la lutte pour la maison, et tout ça en ayant le Parti communiste, qui se prétend révolutionnaire, comme adversaire politique. Et que ça soit dans la pratique, comme sur le niveau électoral, où le parti communiste, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, rentre dans, en fait, dès 1945, dès la soi-disant libération et la fin du régime fasciste, il y a une grosse fracture qui se crée entre les gens qui privilégient l'idéologie de la réconciliation et que, en fait, c'est cool et qu'il faut qu'on reconstruise la République et la démocratie tous ensemble parce que les fascistes, ils étaient méchants et ensemble, ça va bien se passer. Et il y a des gens qui disent, mais en fait, non, on va pas pardonner aux fascistes, on va pas continuer à maintenir un appareil d'État qui est très largement resté pénétré par les institutions fascistes. En fait, la plupart des préfets, des vice-préfets sont restés les mêmes que sous la période fasciste. Et donc, à partir de ça, ça a commencé déjà à créer ces dissensions au sein du Parti communiste, avec des gens qui sont partis, et au sein de la résistance partisane. Et il faut savoir aussi que beaucoup de partisans, qui ont lutté contre le régime mussolinien et l'occupation allemande, nazie plutôt qu'allemande, on va dire, ont été mis en prison après la chute du régime en question, par la démocratie, et sont restés parfois des années et des années et des années en prison. Et du coup, il y a un partisan anarchiste qui s'appelle Belgrado Pedrini qui raconte ça dans un livre qui se trouve en français, qui s'appelle « Nous fûmes les rebelles, nous fûmes les brigands ». Oui, et Belgrado Pedrini nous parle bien de ça. On disait, voilà, après la guerre, il faut être tous ensemble et reconstruire l'Italie parce que le fascisme était méchant et là, on est bien. Mais en fait, la vérité, c'est que la plupart des fascistes, ils sont pas que restés à leur place de pouvoir, mais même ils ont avancé dans leur carrière de pouvoir. Et par exemple, là, dans le livre de Belgrado Pedrini, qui, comme on disait, c'est un partisan anarchiste, et ça, c'est aussi un point intéressant qui peut-être on va toucher un parti, c'est-à-dire dans la résistance italienne, il y avait des gens qui... il y avait un très large éventail de gens, un très large éventail d'appartenance politique. Donc, il y avait des anarchistes aux catholiques, par exemple. Et donc, là, voilà, on revient sur les fascistes. Et par exemple... les fascistes qui appartenaient à l'OVRA, c'était l'organisation volontaire de la répression antifasciste. Donc, c'était ceux qui étaient chargés de réprimer les partisans. Il s'agissait de la police politique secrète du régime fasciste, basée sur la délation ordinaire et un vaste réseau d'espions qui dépendait hiérarchiquement des services d'information de la division de la police politique et de la division des affaires générales et réservées, elle-même rattachée à la Direction générale de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur, et en contact avec les services secrets anglo-américains et des chefs de la résistance à partir de fin 1943. Et plusieurs de ses membres, après la guerre, ils se retrouvent à être, par exemple, préfect de police à Rome. Et il y en a même qui, comme par exemple nous dit Belgrado Pedrini, Ciro Verdiani, en 1949 devient responsable des investigations anti-mafia en Sicile. Donc pour voir aussi un autre lien intéressant qu'on peut faire dans l'histoire italienne entre le fascisme, l'antifascisme et la mafia. Et une petite chose aussi, pourquoi c'est intéressant de commencer à l'après-guerre et sur ce qu'on appelle la transition démocratique. Là, du coup, on a gardé l'exemple italien parce que c'est avant tout une émission qui va parler de l'Italie, mais pas de seulement. Et du coup, pourquoi parler de la transition démocratique depuis un régime totalitaire vers un retour à la République ou à la démocratie, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que c'est des mécanismes politiques qui se sont répétés tout au long de l'histoire, que ce soit en Allemagne après la chute du régime nazi, où il y a eu un genre d'épuration factice des nazis de toute l'administration, que ça soit du coup en Italie, que ça soit en Espagne en 1975 après la mort de Franco, où du coup tout l'appareil d'État franquiste est resté en place aussi, ils ont seulement changé les noms. Si on peut parler encore jusqu'à il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, au Chili par exemple, Pinochet, qui du coup a pris le pouvoir au Chili en 1973, ce qui aura des répercussions internationales en termes de, notamment sur les prises de position politique du Parti communiste et au-delà, parce que ça va leur faire peur. Du coup, ils vont se dire, c'est plus possible d'accéder au pouvoir par la voie des urnes, comme ça avait été le cas de Salvador Allende, qui avait pris le pouvoir par la voie des urnes avec le MIR, son parti politique au Chili en 1971, je crois. Et donc, Pinochet arrive en 1973. Le 11 septembre 1973, un 11 septembre qu'on aimerait peut-être se rappeler un peu plus que deux tours qui tombent, donc qui nous intéresse, enfin qui en tout cas moi personnellement m'intéresse pas beaucoup, je sais pas pour mes petits camarades. Et bref, du coup, Pinochet finit par perdre le pouvoir en 1990, et il y a exactement les mêmes mécanismes politiques qui se créent, dans le sens où encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont lutté dans la résistance antifasciste contre Pinochet au Chili dans les années 80, dans une organisation notamment qui s'appelait le FPMR, mais qui y en a d'autres, qui sont toujours dans l'impossibilité de rentrer au Chili parce qu'ils sont poursuivis par la démocratie pour leurs actions commises pendant la dictature de Pinochet. Bref, voilà. Et du coup, si tu veux continuer... Oui, mais vu qu'on est parti sur l'international, je reviens un peu au pourquoi, on commence à parler du pourquoi on a décidé de faire cette émission-là et de parler de cette histoire à la radio. Et on parlait avant, on a cité le terme autonomie, on disait ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et il n'y a pas qu'une seule définition d'autonomie quand on parle des luttes. Et notamment, vous qui, dans notre vie, ici, dans les discussions avec les amis, les camarades, dans plusieurs contextes, on se retrouve souvent à évoquer l'autonomie. Et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et on s'est aperçu que ça évoque... quelque chose par rapport à l'Italie en particulier, mais on avait l'impression que les gens ont plutôt l'idée de lutte autonome ou d'autonomie que par rapport à un petit morceau de toute cette histoire qu'on va faire. Et du coup, on voulait essayer aussi de la mettre en perspective avec qu'est-ce que ça a voulu dire ici, par exemple, en France ou alors dans d'autres pays, comme par exemple en Espagne. Quelles sont les différences? Et surtout, il ne s'agit pas que d'une réalité historique qui correspond à une période ou qui correspond à un courant de pensée qui a mené certaines luttes, mais l'esprit avec lequel on fait cette émission, c'est aussi que ce qu'on appelle les luttes autonomes, c'est plutôt un esprit et des pratiques qui ont été reprises par des gens qui appartiennent et qui ont appartenu à des formations politiques différentes ou à aucune formation politique, mais c'est des pratiques qu'on pourrait trouver par exemple dans des luttes d'aujourd'hui, comme la lutte contre l'haute vitesse qui se mène en Val di Susa, mais aussi en France. Et d'où le lien aussi entre la France et l'Italie, qui c'est un autre des raisons qui nous a poussé à imaginer ces projets-là. C'est-à-dire, depuis longtemps, il y a un lien étroit entre la France et l'Italie en termes de gens qui se déplacent à cause des luttes, qui s'assoient à cause de la répression. Et donc, il y a plusieurs réfugiés politiques italiens qui sont venus en France. Mais aussi, il y a un échange, un positif en termes d'échange de pratiques de lutte jusqu'à aujourd'hui, comme je disais avant, par rapport à l'autre vitesse. Et donc, notre idée au cours de l'émission, l'idée, c'est de... Ça sera une série d'émissions, parce que, comme on disait, le sujet, il est très large. Et c'est aussi de développer cette question-là. Qu'est-ce qui a été, dans un moment historique, l'autonomie? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut entendre pour autonomie dans les luttes? Et quelles sont les différences ici, en Italie ou ailleurs? Et oui, après, je reviens encore un moment en arrière sur les livres qu'on a cités avant, H des guerres, qui est d'un collectif... d'écrivain italien qui s'appelle Vooming, et il n'est pas traduit, mais la plupart de leurs livres sont disponibles en ligne sur leur site, qui c'est woomingfoundation.com, et donc il y en a qui sont traduites aussi. Ça, celui-là, je ne sais pas, mais vous pouvez aller regarder. Et on disait justement que l'autonomie en fait est plutôt un univers des organisations, des pratiques. En fait, on parlait de la lutte notable, mais on peut parler aussi de la lutte des occupations des maisons, de la lutte des autoréductions, etc. Et en fait, donc, quand on pense à ce qu'il y avait il y a 30, 20 ans et aujourd'hui, les parallélismes, il faut le faire dans la théorie, dans la pratique, mais aussi dans la répression. Et si on parle de la lutte d'occupation pour les maisons, il faut aujourd'hui parler de ce qui s'est passé hier en Italie. Et en fait, de la lourde répression qui a touché le mouvement d'occupation, le mouvement de lotta per la casa en Italie, avec presque 29 arrestations. Oui, en fait, hier à Turin, il y a une autre action répressive très lourde qui a été menée par les mêmes procureurs. Les mêmes procureurs. Voilà, procureurs, ça c'était le mot. Les mêmes procureurs qui sont en train de mener la répression contre les mouvements NOTAF, dont on a parlé ici il y a deux semaines, je crois. Et en fait, il y a eu une autre opération très lourde qui a impliqué... du coup, il y a eu 11 personnes hier. C'est 11, non? C'est ça. Alors, du coup, hier matin à Turin, mais aussi en dehors, il y a eu une série de perquisitions, 25 ou 27 perquisitions, je ne sais plus, et qui visaient à l'arrestation de 29 personnes, desquelles hier 11 se trouvaient en prison, et d'autres avaient, 6 étaient en assignation à résidence, 6 autres avaient une interdiction de présence dans une ville, d'autres étaient obligés de rester dans une ville et d'autres devaient aller signer au commissariat. Et depuis hier, une des personnes a refusé l'assignation résidence et se trouve donc en prison. On peut trouver leurs adresses en partie sur Internet. Et oui, là, du coup, il y a des gens qui sont à la prison de Alessandria, Ravenna, Brissogne, Biella, Cuneo, Torino, Asti, Vercelli. Ils ont été répartis un peu partout. Et du coup, parmi les personnes concernées par ces arrestations, il y a aussi Niccolo, Chiara et Claudio, qui sont trois anarchistes turinois, qui étaient déjà concernés par des accusations de terrorisme pour la lutte notave, justement la lutte contre le train à grande vitesse qui est censé relier Lyon à Turin, en Val de Souza. Et du coup, voilà, c'est histoire de dire que les opérations de répression hier et aujourd'hui, elles sont liées. Et voilà, je ne sais pas quoi ajouter. Juste pour ajouter que les arrestations de Turin contre la lutte contre les sfratti, ça revient, ça colle aussi avec les plans que c'est pas juste ponctuellement à Turin, mais ça fait partie de toute une enquête menée au niveau national parce qu'il y a moins, on rappelle qu'il y a eu deux arrestations de deux des exposants des contre les occupations, pour les occupations des maisons à Rome, par exemple, les deux des exposants des deux plus grands, en fait, deux plus grands collectifs qui s'occupent d'occuper des maisons, et Paolo Di Vetta et Luca Fagiano, qui ont été assignés aux arrestations au domicile. Et du coup, voilà, on voit aussi ce retour à l'accusation sur les luttes qui pratiquent, en fait, qui dans une période de crise, par exemple, comme celui-là, ils pratiquent la lutte au niveau des besoins. Et ça nous rappelle, en fait, les principes et les idées à la base de l'autonomie, qui, à différence par exemple des luttes ouvrières où la lutte était menée plutôt par des besoins d'émancipation ou des besoins d'améliorer sa condition d'ouvrier et qui suivait aussi d'une histoire d'esclavage, en fait, des restructurations des usines, restructurations du système productif après la Seconde Guerre mondiale, à l'autonomie qui part plutôt des besoins personnels des gens intéressés, et comme la lutte pour l'occupation des maisons dans une période de précarité comme celle-là, où les gens ils ont plus maison où ils peuvent habiter, où ils arrivent plus à payer leur loyer, ils décident d'occuper des maisons, alors que peut-être ils n'étaient jamais impliqués avant dans des luttes plus larges. Et ça, c'est en fait c'est le plus gros souci actuel au niveau de répression, parce que ça c'est une lutte qui peut mener à un vrai conflit actuel. Du coup, la répression de la partie de l'État, et c'est pas un hasard que les mêmes procureurs Rinaudo et Pedrotta sont les mêmes qui en fait ils ont condamné, ils ont accusé. Et ils ont toujours réprimé les militants notables depuis quelques ans. Et en fait, on va essayer de taper fort là où la lutte elle peut exprimer sa vraie puissance, sa vraie façon de s'opposer au changement ou à la précarité qu'on vit tous les jours. Et après, je ne sais pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces luttes-là, elles partaient des besoins personnels ou en tout cas partagés, comme il a été dit. Et donc, c'est des choses qui ont fait peur aux forces de répression et qui viennent, hier comme aujourd'hui, essayer de casser ces luttes. Mais parfois, ça se passe mal pour eux. Comme par exemple dans les luttes pour les occupations de maisons, toujours à Rome, dans les années, au milieu des années 70, autour de 74-75, où des quartiers entiers étaient occupés et où... En gros, l'autodéfense du quartier était organisée par les gens du quartier eux-mêmes qui refusaient de voir passer la police. Comme nous le raconte quelqu'un dans un petit texte. Et du coup, ce quelqu'un s'appelle Eri De Luca. Il a fait partie d'un groupe extra-parlementaire qui s'appelait Lotta Continua. On me fait des petits signes de main. Du coup, et qui aussi, au passage, écrit plein de bouquins. Il y en a deux, trois qui sont bien, les autres, si ça vous intéresse. Bref, du coup, il dit ça. Ce qui se passe, et tu ne t'en es pas aperçu, c'est que les gens sont en train de lancer leur maison par les fenêtres. Toutes leurs vieilles affaires. On se croirait le jour de l'an. des pots de fleurs, des pots de chambre, de la ferraille, des chaises cassées, des briques, des carreaux, des boîtes, des bouteilles et des seaux d'eau. Le quartier s'est mis à la fenêtre, à bombarder la charge, à la réexpédier en bas. Les gens descendent de chez eux. Ceux des nôtres, qui avaient pris position plus en arrière, reviennent vers la barricade. De grandes couvertures à brûler surgissent. Un vieil homme en pousse une enflammée dans la descente, par où se sont enfuies les troupes de l'ordre public. Et moi, il me semble que l'ordre public est celui de l'insurrection, inattendu de gens que nous qui ne nous connaissent pas, mais qui ne savent pas pourquoi nous leur apportons la guerre chez eux, mais qui décident au vol, et à la majorité, que nous avons raison, et que la police a tort. Ces gens-là font leur ordre public en se mettant avec la fleur de la jeunesse, et en faisant son bonheur. Car le bonheur pour nous a été un quartier insurgé à l'improviste, à nos côtés et tout autour. Nous appelions ces choses-là du communisme, mais nous cherchions à deviner. C'était surtout un bonheur, après en fumée. Bon, alors on va entamer avec Harry De Luca, vu qu'on a commencé. Il y a un autre petit morceau qui est toujours à Harry De Luca, qui aussi est un écrivain italien qui est très connu en France. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais qui était aussi inculpé dans l'appareil répressif qui s'est mis en place contre la lutte notaf, qui était inculpé de, je crois, instigation à la délinquance ou quelque chose, ou au sabotage même, parce qu'il a défendu plus publiquement les actions menées par la lutte notaf et qui sont imputées notamment à Chiara, Claudio, Mattia, Nicolò, qui sont maintenant arrêtés. Et alors, ce morceau de Harry De Luca est tiré d'un livre qui s'appelle In ordine pubblico, un ordre public, 10 écrivains pour 10 histoires. Et c'est des écrivains qui ont été aussi tous des militants politiques pendant ces années-là, chacun en fait dans des milieux ou des partis ou des formations différentes, et qui, après 20 ans, ont décidé de créer, notamment après Jeanne 2001, ont décidé d'écrire des petites histoires qui rappellent des gens qui sont morts pendant ces années-là. Parce que, comme on disait, c'était un bordel. Et la participation en termes de quantité a été. Des quantités des gens étaient très, très élevées. Bah, par exemple, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Francesco Cossiga, il disait que le phénomène d'agitation armée, du coup, là, on ne parle pas des groupes de lutte armée qui sont quelque chose de spécifique en termes d'organisation, d'idéologie, tout ça, mais il disait qu'en termes de nombre, les gens concernés par l'agitation armée, du coup, les manifs radicales ou, bref, par les luttes autonomes comme ça, radicales, pouvaient s'estimer à autour d'un million de personnes en Italie. Voilà, et au cours de ces années-là, et il y a aussi plusieurs gens qui malheureusement sont morts parce qu'ils ont été tués par la police italienne dans les rues, pendant les manifs ou pas, ou alors par les fascistes, à propos des fascistes qui sont restés à leur place après la guerre. Et donc ça, c'est un morceau d'un récit qui parle d'un garçon qui s'appelait Piero Bruno, qui a été tué à Rome en 1975. Mais le récit s'appelle « Une histoire des roues ». En fait, ça parle de lui, mais en vrai, « Une histoire des roues », c'est un peu l'histoire de tous ces gens qui ont participé et qui ont vécu à ces mouvements-là. Et voilà, ça commence comme ça. Il dit « Cette histoire » est une histoire des roues d'il y a 20 ans, quand tout un âge, une classe, une conscription et une ouverture de céréales se répandaient dans les roues. Quand les roues étaient les chambres à ciel ouvert d'une politique de l'avènement et les amphis, les maisons étaient vides. Et ça donne bien, ça restitue bien l'idée de qu'est-ce que ça a été ces moments-là pour tous les gens qui ont participé vraiment. Un long moment d'apprentissage politique, mais pas que d'apprentissage politique, en fait, mais d'une façon de vivre la vie. Un apprentissage des formes de vie que, d'une façon ou de l'autre, nous, on croit d'avoir soit hérité, soit traversé, croisé encore aujourd'hui. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle on se retrouve à vouloir discuter de cette histoire. Et aussi parce que toute cette formation politique, c'est une élaboration collective, et du coup beaucoup plus horizontale, et en dehors des formes, ce qui est caractéristique, c'est que ça se passe en dehors des formes de partis ou de syndicats. On parlait déjà tout à l'heure des distances prises avec le Parti communiste. On ne va pas forcément parler beaucoup plus maintenant, mais c'est quelque chose sur lequel on s'attardera au moment où on fera vraiment cette émission à la rentrée. Et où du coup, ce qui se passait, c'était l'organisation collective et la structuration horizontale, dans la mesure du possible pour plein de gens, mais pas que. Et du coup, l'élaboration de... de force et de mémoire et d'essayer d'avancer tous ensemble et d'élaborer des projets politiques et existentiels tous ensemble pour changer la vie ici, maintenant, ensemble et radicalement et sans compromis. Et ça commençait par la présence dans les rues, que ce soit pour défendre les maisons, que ce soit pour parler, que ça aille de l'impression d'un tract à la distribution, au combat contre la police, à l'élaboration juste de la défense collective, aux manifestations et à la défense des manifestations, et beaucoup aux réunions, parce que c'était, comme aujourd'hui, quelque chose qui se passait beaucoup. Peut-être que les thèmes en étaient proches, mais les contenus, pas forcément. Du coup, encore une fois, un petit texte qui parle, encore une fois, de Eri De Luca, qui parle justement de ces réunions et de la présence dans la rue, et du rapport à la répression de la police, qui est toujours plus forte, mais contre laquelle il est possible de s'organiser aussi collectivement. Dans les réunions, beaucoup en connaissent beaucoup. On parle de ne pas se laisser envoyer les quatre fers en l'air, de préparer des défenses avec ceux qui se sentent capables de serrer un rang. Le plus clairvoyant d'entre nous dit qu'il n'y a pas de différence entre violence d'agression et violence de défense, qu'une barricade est violence pure, une pierre et une bouteille aussi. Il dit que toute la différence est entre violence d'État et violence du peuple. L'une est abus de pouvoir, l'autre non. Il dit, par exemple, qu'il faut s'enlever de la tête les mots exotiques venus des autres continents. Par exemple, guérilla, qui veut dire petite guerre. Chez nous, dit-il, on fait une bataille de rue pour pouvoir rester dans la rue, même contre les interdictions, pour ne pas se laisser disperser, pour ne pas se faire arrêter. Ce n'est pas une guerre, la nôtre, ni petite, ni grande. C'est un adroit vol à la tire de quelques heures de manifestation. Nous ne libérons pas des territoires. Nous prenons seulement la liberté d'être contre tous les pouvoirs constitués. Les arrestations augmentent à la fin des manifestations, mais la fuite n'est plus la pagaille d'avant. Il y a une ligne qui absorbe et repousse le choc. Tu apprends à rester là, parmi ceux qui ne se mettent pas à l'écart. Si quelqu'un se retrouve isolé avec la troupe sur le dos, on va le reprendre, et on le reprend de force. Toi, tu as connu ce soulagement d'être arraché de haute lutte à la police qui venait de t'arrêter. Tu te souviens d'un ami qui attaqua tout seul un fourgon, arrêté à un feu rouge, sans escorte, qui prit les clés du chauffeur, ouvrit les portières, et libéra tout le monde en criant « But !» comme les enfants. En même temps, tu t'apercevais que les uniformes préféraient s'attaquer à des personnes isolées, non pas à toute la ligne. À travers eux, tu t'es aperçu que les rapports de force dans les rues commençaient à changer. Tu as continué, car ça continuait, et durcissait. Tu as pris part aux affrontements, pas mal, car la foule des insubordonnés augmentait, et qu'à ceux comme toi incombait une responsabilité envers eux, les venus après. Dans les réunions, tu parlais du droit d'avoir peur, car elle est saine et fait raisonner correctement. Il ne fallait pas vouloir l'arracher. La violence sur soi ne donne pas du courage, mais seulement quelques minutes d'audace hystérique. Nos rangs étaient de ceux qui tiennent à rentrer chez eux. Ce n'étaient pas des entreprises pour audacieux, mais pour confiants, pour ceux qui se fient à qui ils donnent le bras, qui restent à côté. Cela suffisait-il? Pas toujours, mais dans les bagarres, il valait mieux le calme que l'enflammé, indiscipliné plutôt qu'un héros. Et du coup voilà, c'était pour parler un peu de cet esprit de camaraderie et d'élaboration collective d'autodéfense qui était en place. Et là, on a envie de balancer un peu une chanson qui parle aussi l'esprit des autonomies italiennes des années 70. Et on a envie de mettre une chanson qui parle de la joie de lutter, mais aussi de la joie de partager des expériences, de la joie de vivre ensemble, de la joie de jouer comme des gamins. Et tout en restant proche entre eux. Et parce que c'est pas que la lutte qui peut nous amener quelque chose, mais c'est aussi la lutte, c'est aussi des expériences personnelles qui nous laissent développer aussi des sentiments et partager quelque chose qui est plus important que les victoires ou que les défaites qu'on a pendant la vie. Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, il discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è, c'è. Ma chi ha detto che non c'è? C'è, c'è. Ma chi ha detto che non c'è? Et bien retrouvé à l'émission Che Casino, però ci voleva. Et invité par Libre Débat. Ben, pour ceux qui se sont branchés tout à l'heure, on est là pour parler, pour introduire en fait une émission qu'on avait envie de lancer par rapport aux luttes d'Italie, on va dire de l'après-guerre aux années récentes en Italie. Et pour parler un peu des pratiques de lutte qui ont été mises en place dans l'histoire de l'Italie, et aussi pour faire les liens avec la répression actuelle qui s'est mise en place en Italie suite à la lutte notable, la lutte contre les occupations à Turin, mais pas seulement. Et on voulait profiter pour dire à tout le monde que s'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir, en fait là on est en train d'échanger des considérations personnelles parmi nous, mais si vous avez envie aussi de parler, d'intervenir ou de poser des questions ou aussi de lancer des idées, n'hésitez pas à nous contacter. En fait, vous pouvez appeler les numéros de Radio Galère, c'est 04 91 08 28 10. Et donc, il y a quelque chose qui est assez important dans la... Donc, si on parle de l'Italie, bon, on va dire des années de plomb, comme vu que c'est la dénomination générique qui a été un peu donnée, il y a quelque chose qui est assez important à... qui sera assez important à développer, c'est la différence entre les luttes de l'année 68 et 69, qui ont été très fortes en Italie aussi, comme partout dans le monde et comme en France, mais bon, ça, ici, on sait un peu. Mais du coup, bref, en Italie aussi, 68 a été une année de lutte intense, qui a été très différente de celle de 1977, qui était faite par des gens qui n'étaient pas forcément de la même génération, et avec un contenu politique qui était relativement différent aussi. Oui, alors... Vu que ce projet est aussi d'un côté un projet de recherche, au sens où, bien sûr, c'est des thèmes qui nous intéressaient déjà, mais ça, c'est l'occasion pour mener aussi une recherche ensemble sur nos livres ou à travers nos connaissances. Et tout ça, on va aussi vous parler des livres, par exemple, qu'on a utilisé qu'on est en train d'utiliser pour construire ces projets. Et alors, pour expliquer, c'est là dont on parlait, c'est-à-dire la différence entre les 68 et les 77. Je vais lire un morceau d'un livre qui s'appelle Une fusillade tranquille pour une histoire orale de 77. Et c'est un livre qui, en fait, recueille toute une série de témoignages. C'est des entretiens, c'est que des entretiens des protagonistes de cette année-là à Rome. Et c'est des protagonistes de toutes les sortes, c'est-à-dire il y a les gens qui étaient dans les mouvements, les leaders et aussi, par exemple, des gens du gouvernement. Et voilà, et pour expliquer les titres de ce livre, je vais vous lire ces morceaux qui expliquent bien comme c'était le climat qui ont respiré pendant cette année-là. Alors, c'est un témoignage d'un jeune garçon qui s'appelle Tommaso, je crois. Dit « Alors, j'arrive vers Campo dei Fiori et je vois des camarades regroupés derrière un angle des roues. Il y a quelqu'un qui avait un pistolet dans les mains. Il devait y avoir ou un affrontement avec la police. Mais la police, on ne la voyait pas. Je m'arrête parce que je connais quelqu'un. Les cortèges défilent pas loin. De temps en temps, on entend des coups de feu, mais les camarades n'ont pas l'air effrayés. Ando, qui est armé, se détache de l'angle et tire deux ou trois coups. Mais pas derrière l'angle, juste sur les murs du vieux bâtiment qui est pratiquement en face. Oh, mais vous foutez quoi ? Bah, ils voulaient pas nous faire passer. Du coup, on a contourné. Et au final, il n'y a pas eu un vrai affrontement. Mais ils tirent ? Oui, oui, mais eux aussi, ils tirent sur le mur. En somme, c'est tranquille. C'est une fusillade tranquille. Bon, voilà, ça c'est les morceaux parmi les plusieurs entretiens qu'il y a dans ce livre. Qui a été choisi comme titre parce que ça explique bien les climats de cette année-là. Et puis, on a un autre morceau tiré d'un livre qui s'appelle « Rose et pistolet », qui, à notre avis, est moins bien, mais ce morceau-là est intéressant pour expliquer la différence entre les 68 et les 77. Et le chapitre d'où on a tiré le morceau s'intitule « Le zombie ou des grands frères ». Ça se réfère bien sûr aux gens de 77 par rapport aux gens de 68. Il commence comme ça. « Un fantôme rôde dans les universités, sur les places et dans les assemblées. Le fantôme de 68. Et il ne fait pas peur aux gens du mouvement de 77. Il leur fait pitié. Il se présente sous la forme de militants des organisations de la Nouvelle Gauche, les dits groupes extra-parlementaires, qui ne sont plus si extra que ça, vu que, pour le meilleur ou pour le pire, tous ont tenté la voie des élections, et certains l'ont même trouvé. En 1976, pour la première fois, 6 députés de démocratie prolétaire sont élus. dans les Athénées, dans la rue, la fracture entre les mouvements et les grands frères qui ont fait les 68 et qui nourrissent d'abord l'illusion que l'explosion des universités gonfle de nouveau les rangs de l'extrême gauche organisée est plus que politique. Elle déborde dans l'anthropologie, dogmatisme contre spontanéisme, militantisme contre fête, raison contre émotion, sectarisme contre autoconscience, primauté des masses contre besoins individuels, leadership contre communication horizontale, sérieux contre désacralisation. En vérité, les jeunes de 77 ne sont pas les petits frères, même pas les cousins des ex-68ards. Voilà, ça c'est le morceau. Après, ça explique bien, en même temps, il est un peu trop schématique à notre avis, mais ça introduit juste une discussion qu'on va voir quand on arrivera à ces moments-là. En même temps, le type qui a écrit ce bouquin, il n'a pas du tout participé à ces manifestations, à ces années de lutte. C'était juste un journaliste à la con qui voulait vendre des livres. Du coup, bon, ça sert à vendre des livres, le schématisme. Ouais. Et en fait, on peut lever aussi les différences entre 68 et 77. On parlait aussi de la conception de la révolution, de l'idée des faits politiques, de la pratique, etc. Et en fait, il faut parler de, quand il parle des sentiments versus les raisons, quand il parle de le militantisme versus le spontanéisme, etc. Il faut penser à une idée qui change de comment vivre, mais aussi comment changer le monde, qu'est-ce que c'est faire une action politique, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'idée du parti communiste ou de la gauche extra-parlementaire politique qui choisit la voie de l'élection, il peut être un peu la représentation d'une idée de révolution que c'est un peu qu'il va changer, d'une idée de plutôt que s'inspirer à la révolution qui va arriver, commencer à faire des choses ici et maintenant, commencer à changer le monde ici et maintenant. Moi, je balance ces petits trucs, on lance un peu de débat libre, et on voit pas aussi qu'est-ce qui sort, mais entre nous en fait. Bah, en gros, je crois que le truc qui est assez intéressant là-dedans, c'est toi, tu voulais dire un truc? Non, vas-y. Du coup, je me suis perdu. Donc, bref, redis-moi ce que tu disais juste avant. Bah, la différence entre le faire une révolution ici et maintenant, l'idée de révolution et de changer la vie et le quotidien ici et maintenant, et l'idée de révolution qui va venir un jour, quand on prendra l'État, quand il fera une révolution, etc. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un changement de, je sais pas, de sujet révolutionnaire ou de conception de la révolution, comme tu dis. Où, à part certains groupes particuliers, il n'y a plus vraiment cette idée de placer la classe ouvrière en tant que telle comme sujet révolutionnaire et comme moteur de la révolution qui devrait conduire à la dictature du prolétariat pour un futur horizon socialiste et, avec les oiseaux qui chantent et le soleil qui est rouge, et c'est super cool. Mais plutôt des prises de position qui vont après notamment les luttes ouvrières de 68, de 69. Et l'apport des théories conseillistes et du coup la structuration différente en termes d'organisation de toute une partie de gens qui va lutter contre le travail salarié, qui va lutter contre le fait de devoir se vendre, qui va lutter contre le fait de devoir payer un loyer, donc avec les occupations de maison, contre le fait de devoir payer les spectacles, les fêtes, avec presque des attaques au théâtre, pouvoir rentrer gratuitement dans les festivals, dans les théâtres qui sont habituellement réservés à la bourgeoisie, contre le fait de devoir payer cher dans les magasins avec des phénomènes d'autoréduction de masse où tout le monde rentre et prend ce qui est nécessaire. Et comme ça se passe encore aujourd'hui de temps en temps, hein, en France il y en a eu quelques-unes, en Grèce ces dernières années on en entend assez souvent parler. Et du coup c'était une pratique, la pratique de l'autoréduction, du coup c'était quelque chose qui était très répandu. Et à propos d'autoréduction, en fait, j'ai envie de lire un morceau d'un petit débat, en fait, parmi les mecs de 1977. En fait, parce que là, on peut penser que le mouvement de 1977 en Italie, c'était un mouvement homogène ou alors une seule pensée commune partagée par tout le monde. Mais en fait, il y avait plein de débats, plein de pratiques différentes qui parfois étaient aussi en conflit. Parmi elles, et il n'y avait pas, il n'y avait pas forcément un consensus sur les luttes. Ce qu'on voit apprécier, par exemple, de ces périodes-là, c'est l'autonomie des luttes dans le sens que chaque lutte a été menée, pas avec tout le monde, mais en partageant ses idées et ses besoins avec tout le monde, même si on savait qu'on n'était pas d'accord. Et en fait, ces morceaux-là, ils parlent d'une discussion sur en fait, une spécificité de la lutte de l'époque, c'était la réappropriation, ou les débats entre l'appropriation dans les magasins ou alors l'autoréduction, parce qu'il y avait une partie qui était pour la réappropriation directe et il y avait une partie qui était pour l'autoréduction. Un mec que je ne connaissais pas intervient. Nous, dans les quartiers de Via Padova, on est contre l'appropriation, parce que c'est une forme de lutte qui exige une conscience politique d'avant-garde, et tant que telle, elle n'est pas généralisable. Au niveau de la masse, seule l'autoréduction est possible. C'est pourquoi on est d'accord avec les ravitaillements prolétaires au supermarché, mais en payant la moitié du prix des produits. Les choses doivent être payées moins cher, mais payées. Ah ben, tu vas m'expliquer comment vous faites, éclate Mimmo, pour faire les courses et faire te payer la moitié prix à la cassière. Entre-temps, les flics déboulent de tous les côtés et vous flanquent au trou. Si on décide de faire une appropriation prolétaire, on se tire. De toute façon, moi, il me suffit qu'on soit tous d'accord sur le fait du ravitaillement prolétaire. Ensuite, si quelqu'un a ses comptes pour payer et se faire intuber, c'est sans problème. Bon, ça c'était un morceau d'un livre du coup, qui s'appelle, s'intitule « Insurrection ». C'est un récit, c'est un roman qui a été écrit par Paolo Pozzi, qui était un militant qui a participé à ces moments-là à Milan. Donc le livre, c'est un roman. Donc, c'est de la fiction, mais qui, bien sûr, est tirée par une expérience de vie. Plus ou moins réussie, comme roman, mais qui peut aider quand même... Plus ou moins que plus. Plus ou moins que plus, mais qui peut quand même aider à donner une idée aussi du climat et de l'esprit. Et puis, bon, il n'est pas génial, mais ça se lit assez tranquillement. Donc, bon, ça peut être aussi une lecture. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on appelait le mouvement autonome, ou l'ère de l'autonomie, ou l'autonomie, ou avec un grand A, avec un petit A, personne ne sait vraiment comment le définir, parce que c'est pas quelque chose de définissable, c'est pas quelque chose qui a des frontières établies, c'est pas quelque chose sur lequel on peut poser des choses arrêtées en disant c'est ça ou c'est pas ça, parce que c'est quelque chose qui regroupait, comme on l'a dit, des positions politiques très diverses et parfois contradictoires, qui étaient quand même marquées par, on va dire, des tendances communes, c'est-à-dire le refus des partis, le refus, la défiance vis-à-vis des syndicats et l'auto-organisation, bah, d'où le terme autonomie, en fait, se réfère avant tout aux pratiques qu'à une identité politique en tant que telle, parce qu'au sein de l'ère de l'autonomie et de tous les groupes autonomes, on allait des anarchistes aux gens juste un peu communistes libertaires, aux gens qui étaient plus basés sur les théories conseillistes de Rosa Luxembourg ou de Paul Matic ou des trucs comme ça, aux gens qui se rapprochaient du marxisme-léninisme, mais en se défiant de l'URSS et de la dynamique de parti, ce qui est assez bizarre quand on parle de marxisme-léninisme, mais quand même il y en avait. Et du coup, tout ça, forcément, ça crée des gros conflits et il y a eu des énormes bastons, même au sein du mouvement autonome, au sein de ces années-là, en termes de stratégie, en termes de... Oui, de vision politique, en fait. Et c'est quelque chose qui est important à dire, parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui n'est pas spécialement dépassé de nos jours. Les petites gardes-chapelles, les trucs comme ça. Et du coup, c'est intéressant, à mon sens, et moi, personnellement, c'est un des trucs qui m'intéresse dans le fait de faire cette émission. C'est justement de réfléchir aux mécanismes politiques qu'ont parcouru ces années-là, pour voir un peu quelque chose on est en train de reproduire aujourd'hui, et essayer de pouvoir avancer sans commettre à chaque fois les mêmes erreurs, en essayant de... passer au-delà du manque de communication entre les générations, les trucs comme ça, et du coup en essayant de s'intéresser à notre histoire en tant que, je sais même pas en tant que quoi, en tant que sujet politique, en tant que mouvement, en tant que... Bref, je sais pas, mais en tout cas pour développer cette mémoire collective et essayer de continuer à aller de l'avant en sachant ce qui a déjà été tenté, pourquoi ça a raté, et du coup essayer autrement. Ou pas. Et qu'est-ce qui a réussi d'ailleurs? Oui, Non, après, comme on disait, quand on parle d'autonomie, on parle des gens qui étaient tirés des différents milieux, qui avaient, qui réfléchissaient à partir des idéologies ou des références politiques même différentes, ce qui a généré plein de débats, des, comme on disait, situations ou même contradictoires. Mais ce qui est vrai est aussi que dans ce moment-là, il y a eu une énorme production des théories politiques et des théories et des pratiques nouvelles qui se sont produites dans ce moment-là. Et qui après ont donné naissance en fait à toutes des courants des courants de pensée, des courants de théorie politique et aussi à des courants artistiques. C'était un moment qui a été énormément vivant. C'était du point de vue artistique et littéraire en Italie, c'était la période de néo-avant-garde. Et au sein même de ces mouvements-là, la plupart de l'innovation et de l'expérimentation artistique et littéraire a été produite directement en lien avec ces mouvements-là. Et donc ça, c'est par exemple pour moi ce qui rend cette histoire passionnante, parce que c'était vraiment un moment de richesse incroyable de tous les points de vue, où il n'y a pas ou que les mélanges parmi voilà, différentes positions politiques, mais il y a vraiment aussi une production des pratiques et des théories nouvelles qui a après en sous avoir une prise qui s'est maintenue dans le temps, même si ça a changé, et c'est une prise qui a marché sur après des luttes même peut-être très différentes. Voilà. Et ouais, et j'ai l'impression que toute cette nouvelle production de théories et de phénomènes artistiques et de tout ce qui se passe, ça a aussi en lien avec la phase dans laquelle le capitalisme à l'échelle mondiale est à ce moment-là. Et du coup, par rapport au capitalisme aussi, la phase dans laquelle les mouvements révolutionnaires en sont. Du coup, c'est le moment où du coup, le capitalisme se restructure plus ou moins en délocalisant les centres de production et du coup en séparant les gens. Et du coup, c'est le moment où le sujet révolutionnaire ouvrier en tant que tel commence à se désagréger un peu et à partir duquel il y a beaucoup de nouveaux sujets révolutionnaires qui naissent, plus uniques mais multiples. Et c'est aussi pour ça qu'au sein du mouvement autonome et tout ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est parce que tout le monde part de soi pour porter sa révolution et se considère comme sujet révolutionnaire. Et du coup, il y a un énorme essor du féminisme, par exemple. Il y a... je sais pas, oui, là, tu dis... quand tu dis, par exemple, chacun parle de soi, ça, c'est... ça nous rappelle la pratique qui est propre du féminisme et qui s'est développée aussi dans ces années-là, qui a commencé, qui a démarré par le féminisme, mais qui après a été adoptée un peu dans tous les mouvements, et que c'est par exemple la pratique de partir de soi, de ses propres histoires, de ses propres besoins, et aussi de les raconter, de se raconter d'abord, pour ne pas, surtout pour ne pas essayer de faire des luttes pour d'autres, mais partir d'abord de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui un peu dans toutes les luttes. C'est plutôt une approche, disons, celui d'essayer à chaque fois de partir de soi comme une méthode de se questionner sur comment mener les luttes, en fait. Mais peut-être, bon, jusqu'à là, ça a été un peu bordélique, mais on vous avait prévenu que c'était justement un bordel aussi dans les méthodes. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup à dire et en une heure et demie, c'est compliqué. Mais peut-être on peut revenir aussi à ces camps qu'on va démarrer avec cette émission. Et c'est-à-dire à partir de septembre de prochain. On rappelle aussi que si quelqu'un a envie de participer à la création de cette émission parce que le thème le passionne, ou aussi parce qu'il n'en sait rien et ils vont en découvrir plus, ça nous ferait plaisir aussi de le faire à plusieurs, parce que vu qu'on parle d'histoire, et on ne pense pas qu'il y a une objectivité dans l'histoire, donc c'est forcément une histoire partisane, et une histoire qui est faite par plusieurs voix, et plus de voix, plus on les voit avec laquelle on la raconte, plus on la restitue comme vivant. Et voilà, donc les bordels, c'est un peu aussi, je crois, représentatif de combien sont entremêlés le passé et le présent. Parce qu'on s'est retrouvés aujourd'hui à parler de cette histoire, mais continuellement aussi à rappeler qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Italie, la répression qui est en cours et tout ça. Donc voilà, les bordels, c'est dû aussi à ça, mais ça rend bien l'idée. Et par contre, pour essayer de rendre tout ça un peu plus homogène, peut-être on va écouter de la musique d'abord pour faire une petite pause et après essayer de reconstruire le fil chronologique qu'on va suivre de septembre. Ouais. Et donc cette chanson s'appelle « Borghesia ». Et elle dit « Vieille petite bourgeoisie, toute petite que tu sois, je ne saurais pas dire si tu me fais ressentir plus de rage, de pitié, de dégoût ou de mélancolie. » Et c'est une chanson qui parle, du coup vous l'auriez compris, qui est plutôt contre la bourgeoisie, mais d'un point de vue existentiel. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Anormali sono trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture, bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria. Hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, perdicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via. Et donc, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, même si l'ordre n'est pas la chose qui nous caractérise le plus, j'espère pas en tout cas, on va essayer de, du coup, d'écrire un peu chronologiquement, même si c'est un peu difficile de faire un discours chronologique là-dessus, mais de revenir un peu sur comment est-ce qu'on avait envie de développer cette émission et de séparer les, du coup, chaque émission. Et donc, ce sera à la fois chronologique et thématique, on espère arriver à peu près à le faire. De façon qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent. Et donc, voilà, on va présenter un petit peu tous ces différents points. Du coup, si tu veux commencer. Bon, déjà, comme on a dit tout à l'heure, on avait envie de commencer au niveau historique de l'après-guerre. D'abord, pourquoi on commence de l'après-guerre? On a tout de suite attaqué par les années 60, parce que c'est les années là où on pense que... qui soit commencé en fait les luttes les plus diffusées, les luttes ouvrières, les luttes organisées. Mais en fait, l'intérêt de commencer de l'après-guerre, c'est parce que nous, on voit un début des changements, soit au niveau ponctuellement italien, mais plus large au niveau européen, parce que au niveau international aussi, il y a aussi une restructuration après la Seconde Guerre mondiale, une nécessité de restructuration de l'économie et sociale aussi, de normalisation démocratique des institutions. Et du coup, ça va faire face aussi à une autre exigence, l'exigence des anciens partisans, par exemple, de ceux qui avaient lutté pour toute leur vie, par exemple, contre les nazifascismes, contre les fascismes. Et une fois terminée la guerre, alors qu'encore il y avait... la guerre était finie, les fascistes, ils avaient perdu la guerre, mais il n'y avait pas... encore une sensation de pacification sociale. Pourquoi? Parce que en fait la guerre elle était finie, mais la plupart des, comme on a dit tout à l'heure, la plupart des institutions étaient restées les mêmes. La plupart des gendarmes, par exemple, ils étaient restés les mêmes. La plupart des tribunaux, les tribunaux, ils étaient gérés par les mêmes personnes qui avaient fait leur carrière pendant les fascismes. Les policiers, ils étaient les mêmes. Et les gens qui avaient fait la résistance, en fait, ils se retrouvent dans la même condition des clandestins, des illégitimités politiques de la guerre. Parce que si avant, ils étaient illégaux, parce qu'ils étaient partisans contre les fascismes, là, ils se retrouvent illégaux parce qu'eux, ils estiment de ne pas avoir déraciné, de ne pas avoir cassé un peu en totalité ce qui avait été le fascisme. Et du coup, il y a une partie des partisans qui ne se retrouvent pas dans ce climat de pacification, de normalisation politique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire leur guerre, à mener leur guerre, et ils se retrouvent à combattre un peu les institutions. Du coup, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui ont continué à lutter au niveau extra-légal. Et nous, on va s'intéresser aussi à cette expérience aussi, soit au niveau personnel, des légitimations des partisans qui avaient combattu contre le nazifascisme, soit, et au même temps, au niveau plus général, au contexte politique général de normalisation, d'aide par les Américains à l'Italie, afin de protéger en fait la démocratie en Italie contre la peur du communisme qui tombait de l'autre côté d'Europe, par exemple. Et on va passer par l'amnistie des nazifascistes, que après la guerre la plupart des fascistes ont été amnistiés. Et alors que les partisans se retrouvent dans une condition où eux, ils sont obligés à s'échapper, à fuir, et les fascistes, ils se retrouvent en plein légalité et ils reprennent leur poste de travail et tout ça. Et du coup, oui. Là, après la deuxième émission aussi. Oui, parce que non, à propos du fascisme, que du coup, l'Italie était le seul pays où il y a eu la réformation d'un autre parti fasciste déjà dans les 46, si je ne me trompe pas. Et j'ai dit ça parce que comme ça on arrive aussi à la deuxième émission ou au deuxième moment qu'on va aborder. C'est-à-dire du coup de cet esprit de déception en fait qui circulait parmi plusieurs gens en Italie, pas que ceux qui avaient participé à la résistance, ceux qui étaient encore trop jeunes pour y participer, mais que après la guerre vivaient des conditions d'extrême pauvreté en fait, qui s'y sentaient parler partout, s'y sentaient dire qu'il fallait maintenant reconstruire les pays et que maintenant c'était la paix sociale, etc. Mais où ils vivaient des conditions qui étaient vraiment des misères et où du coup il y avait vraiment pas de paix. Et donc, c'était qui menait cette idéologie-là? C'était en premier lieu le parti communiste avec la démocratie chrétienne. Et la base du parti communiste, c'était dans ce moment-là, dans les usines. Parce que le parti communiste, il menait cette idéologie-là à travers les syndicats dans les usines. Mais il y avait cette déception qui circulait dans la société et dans les usines et dans les campagnes. On se rappelle aussi que, et ça c'est aussi un thème qu'on va aborder peut-être dans une émission thématique et pas forcément dans la chronologie, c'est-à-dire la différence entre le nord et le sud d'Italie, qui n'a pas vécu du tout de la même manière ni la résistance ni les années d'après, parce que par exemple dans le premier après-guerre dans le sud il y avait encore les latifonds, si on dit comme ça, les grandes propriétés, et du coup il y a eu des luttes très dures pour des occupations des terres, des luttes très dures pour arrêter la grosse propriété. Et donc, voilà, il y avait cette déception qui circulait dans plusieurs parties de la société. Et Donc il y a des épisodes qui ont pu considérer plus remarquables. Et cette déception, bien sûr, s'est coagulée aussi autour de l'antifascisme encore et de la rage pour le fait qu'encore un parti fasciste était à sa place. Et du coup, dans la première émission, on va partir à peu près du juillet de 1960, où quand le gouvernement et donc aussi le Parti communiste a permis un congrès général du nouveau parti fasciste qui s'appelait le Movimento Sociale Italiano, Mouvement Social Italien, à Gênes. Et le fait que le gouvernement permis ces congrès déclenche trois jours d'affrontements très très durs avec des morts aussi à Gênes. Et les gens qui ont participé à ces affrontements, c'était des chômeurs, c'était des ouvriers. Et voilà, donc là, déjà, et bien sûr, ils manifestaient au sein d'aucun parti, et ni d'aucune formation spécifique, même si peut-être quelqu'un d'entre eux en faisait partie. Et donc là, on retrouve par exemple un des premiers moments de cet esprit qu'on appelle de lutte autonome, c'est-à-dire qui vient vraiment d'un esprit commun qui ressonne dans plusieurs individus sans qu'il soit forcément lié à une formation politique comme on est habitué à l'entendre classiquement. Du coup, après, dans la deuxième émission, on va voir comment ça se développe plus spécifiquement aussi dans les usines avec le détachement des syndicats traditionnels et quels sont les épisodes spécifiques ou plus remarquables ou représentatifs où cet esprit se démontre en fait, de détachement de la forme partie et de la forme syndicat traditionnelle. Mais à cet égard, il y a qu'est-ce qui se passe dans les juillet des 62 et en fait Place Statute, que c'est un autre moment de lutte ouvrière, etc. Mais c'est aussi le moment où il y a la production intellectuelle avec Quaderni Rossi, etc. Et en ce moment aussi, on va passer à ce qui s'est passé dans les 68 et 69. En fait, le mouvement étudiant et les luttes des étudiantes, moment qui concerne toute l'Europe et qui, on disait, emprunt ces caractéristiques des luttes aussi existentielles, aussi des luttes des étudiants au moment d'occupation d'université, des écoles, etc. Et à cet égard, on peut parler aussi de ce qui se passe après. On va faire un peu rapidement, les temps ne concernent pas beaucoup encore de temps, de la liste des épisodes. Ce qui se passe après d'un autre épisode, on peut parler aussi de la stratégie de l'attention. En fait, que pendant, on peut dire, toutes ces années, l'État italien, avec l'apparat d'État, les fascistes, mais aussi certains apparats mafieux, etc., ils commencent une lutte dure contre les perspectives révolutionnaires, contre les mouvements, contre quelle que soit la perspective de changement. En fait, on a la strage, les bombes à Bologne, etc. On a aussi les années 70, on peut parler des années 70, comme on disait tout à l'heure. Ou du coup, après 1969, dont on parlait, où il y a des énormes luttes ouvrières, notamment dans l'usine Fiat à Turin, où ça part dans tous les sens. 1969, c'est du coup aussi une année qui est charnière, parce qu'il y a un attentat sur la Piazza Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, et pour beaucoup de gens, c'est vécu vraiment comme une année charnière qui pousse à la radicalisation et tout ça, et qui du coup pousse aussi à la naissance de plusieurs groupes extra-parlementaires, du coup, c'est-à-dire en dehors du circuit électoral, dont les deux principaux vont s'appeler Potere Operaio et Lotta Continua, du coup pouvoir ouvrier et lutte continue, et qui donc développent leur discours opéraïste, mais extra-parlementaire, avec des commissions prison, avec des bref, qui vont maintenir une présence autonome dans la rue, qui se développent en tant qu'organisation, qui ont chacune leur journal éponyme, du coup Poter Operaio Lotta Continua. Et du coup, les cercles dans le sens des réunions des jeunes, les réunions dans les usines, tous les gens qui se réorganisent en assemblée, chose que les syndicats et le Parti communiste essayent très largement de détruire. Et du coup, avec une fracture qui va se radicaliser après le coup d'État au Chili en 73, justement, où le Parti communiste signe un pacte avec la démocratie chrétienne, qui est le parti régnant à l'époque, qui fait qu'en gros, ils acceptent de participer au gouvernement, mais sans plus aucun pouvoir politique, et seulement qu'en tant qu'arme de répression au sein des mouvements sociaux, parce qu'ils utilisent le même mot de communisme que les autres, et du coup, ils essaient de jouer un peu là-dessus. Mais bon, bref, là, on n'a plus le temps, donc on va passer à continuer. Et du coup, ces groupes extra-parlementaires, ils se développent, il y a des manifestations partout, il y a les luttes d'occupation de maisons dont on a parlé, les autoréductions, le féminisme autonome, et la répression qui augmente elle aussi. Et donc on a la naissance de groupes clandestins, les premiers groupes de lutte armée, comme par exemple les Brigades Rouges, qui eux naissent en 73, je crois. Il y a un autre groupe qui s'appelle les NAP, les Noyaux Armés Prolétaires, qui lutte contre les prisons, qui apparaissent en 74. Le tout premier, c'était en 69, un groupe d'action partisane contre les fascistes, justement. Et bref, tout ça, petit à petit, ces groupes-là aussi, les groupes extra-parlementaires, vont se dissoudre plus ou moins dans l'autonomisation des individus vis-à-vis des organisations qui étaient déjà en train de s'autonomiser vis-à-vis des partis. Et on arrive petit à petit vers le mouvement de 1977, qui est le pic de ces manifestations, qui sont parfois armées, avec du coup les radios libres, l'explosion aussi d'un truc qu'on n'a pas du tout parlé pour le moment, mais des Indiens métropolitains, qui est quelque chose auquel on dédiera pas mal de temps. Et du coup, le mouvement de 77, qui est un peu le mouvement maudit de l'histoire italienne, est très très fortement réprimé. Il y a des nouvelles lois qui sont créées, des lois d'exception, qui poussent énormément de gens vers la clandestinité. Et à partir de 78, donc, il y a l'émergence d'un nombre incroyable de groupes de lutte armée clandestins. Et c'est aussi le moment où les Brigades Rouges kidnappe Aldo Moro, le chef de la démocratie chrétienne, qui va être kidnappé pendant 55 jours avant d'être retrouvé mort dans un coffre de voiture à Rome. Et bref, et du coup, tout ça, ça amorce le début de la répression sauvage et de la clandestinité, et du coup, la perte de puissance de ces mouvements-là au cours des années 80 jusqu'à la fin de... Enfin, ce qu'on peut appeler vraiment presque la fin de... En tout cas, de l'entreprise armée et des mouvements autonomes en tant que tels. Oui. Donc après, on va essayer de, sur ces moments-là, on va essayer d'aller plus par thématique que pour chronologie, parce que en fait, c'est très large le ventail de façons de vivre ce qu'on appelle l'autonomie dans ces années-là. Notamment, il y a beaucoup de différences entre, par exemple, une ville et l'autre. Et il y a des villes où les luttes sont plus radicales, et d'autres, comme par exemple Bologne, où il y a beaucoup d'expérimentation de point de vue de l'art et de la création. C'est ce qu'on appelle la partie créative du mouvement, mais qui pas pour ça était moins radical. Et donc aussi des expériences comme par exemple les radios libres, et on pensait notamment à faire une émission qui est sur cette question-là, vu qu'on est à la radio. Donc on a aussi des enregistrements d'une de ces radios qui a été virée après en 77. Donc après tout ça, on va forcément... Du coup, après le début de la répression, il y a un moment qui est un peu un tournant, et c'est l'avril de 78, où il y a une énorme opération de répression qui est menée par l'État italien, où dans le même jour, dans un seul jour, il y a je crois 3000 personnes qui sont inculpées, et dont une bonne partie qui est arrêtée, et une autre partie qui arrive à s'échapper. Mais Voilà, la série d'émissions ne va pas terminer là, parce que ce qu'on appelle ces fils rouges, notre vie, ça ne s'interrompt pas, malgré la répression et malgré, bien sûr, toute une série de défaites de ces mouvements-là. Après, il y a d'autres choses qui se produisent, il y a d'autres luttes, il y a d'autres formes de vie qui naissent, et notamment pendant les années 80, ce qu'on dit quand on parle du mouvement, c'est qu'après la répression, les revendications se déplacent du plan de l'espace, du temps à celui de l'espace. Et donc, il y a les premières occupations de ce qu'on appelle les centres sociaux et les centres sociaux et tout ça. Et du coup, on ira aussi parler de ça et à traverser les années 80 et les années 90. Et peut-être, si on aura le temps, d'arriver jusqu'aujourd'hui pour parler de comment ça... c'est quoi qu'on appelle l'hérité de cette histoire de lutte. Et plus on va avancer dans le temps, moins on va être d'accord. Parce que du coup, plus on va avancer dans le temps, plus ça risque d'être rigolo. Peut-être de nous écouter, en tout cas pour nous ça va l'être. Et donc voilà, on a fini. Donc on vous rappelle que cette émission qu'on présentait là sur le mouvement autonome, les luttes autonomes de l'après-guerre jusqu'à 2000, on sait pas trop quand, ça devrait commencer en septembre et on espère durer jusqu'à mai si on n'arrive à pas s'entretuer avant. Et personne nous a appelé, c'est pas grave, de toute façon c'est notre avis qui nous intéresse. Sinon ça sera les plus forts qui vont rester jusqu'à mai. Et du coup, voilà, on va laisser... Non, c'est pas la loi de la jungle. Non, c'est quand même pas vrai, on est gentil. Même s'il y avait les Indiens métropolitaines, mais quand même. Et bref, voilà, du coup, si jamais ça vous intéresse de participer ou pas, venez à Radio Galère, parce qu'on n'a pas encore de mail. Et voilà, on va essayer de mettre des affiches un peu partout dans la ville pour quand ça commencera, et si jamais ça vous intéresse, ça se passera sur Radio Galère 88.4. Et en attendant, c'est pas, au revoir et à septembre. Oui, un petit morceau pour comme ça, une petite blague pour qu'on perde l'Italie. On va balancer du punk parce qu'on l'a pas encore mis et ça va pas. En fait, ça c'est les Schiantos, c'est un groupe de Bologne des années, en fait, qu'ils ont marqué tous les années 80 à Bologne, et c'est du punk un peu ironique, on va dire. On peut les appeler, et on va se rappeler aussi des Fricantoni qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.